Bonjour à vous et bienvenue dans ce 8e épisode de Flux URSS. Cette fois, nous allons nous pencher sur les résultats des élections européennes 2019 qui ont eu lieu en mai 2019 forcément. Et le but de cet épisode sera de brosser les résultats au niveau européen et d'essayer de voir quelles sont les tendances, tout ça, etc. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, tout ceci ne sera que mon ressenti. Alors on se retrouve tout de suite après un jingle. USSR. Alors pour commencer cet épisode donc, qui est consacré aux élections européennes 2019, qui concerne le Parlement européen, nous pouvons rappeler que nous votions sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne pour 751 députés ou parlementaires, vous qui voyez, ce qui est un nombre tout à fait inférieur au nombre de Pokémon. Et oui, parce que nous avons, soyons précis, et pour l'instant, ceux qui sont, et je ne cite que ceux qui sont numérés, nous avons 809 Pokémon. Ce 809e Pokémon, d'ailleurs, c'est Melmetal, qu'on a pu voir dans Pokémon Evoli et Pokémon Go Pikachu, je ne sais plus quoi, qui est sorti sur Switch. Et pour notre 751e Pokémon, ou parlementaire, je ne sais plus, il s'appelle Araquois. Il est disponible sur Pokémon Soleil et Lune et Ultra Lune et Ultra Soleil et Giga Lune et Giga Soleil peut-être. Non, ça ne l'a pas sorti. Donc c'est un Pokémon qui est à la fois eau et insecte. C'est une araignée d'eau en fait. Et il a plutôt une sale gueule. Voilà. Donc je pense que vous ne le connaîtrez pas. Moi je l'ai découvert en faisant des recherches là. Pourquoi j'ai fait cette recherche, je ne sais pas. Peut-être parce que je voulais un peu dédramatiser le Parlement européen qui est certes un Parlement élu, mais qui n'a pas tant de pouvoir que ça. Il n'a pas tant de prérogatives, dirons-nous même. Il peut retoquer et faire des lois. Alors, retoquer, bien sûr, c'est le Conseil européen. Mais là, il a plus un avis consultatif qu'autre chose pour l'instant. Or, ses pouvoirs ont été un peu enrichis. Maintenant, c'est eux qui sont censés désigner présenter des candidats pour le poste de secrétaire du Conseil européen. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu les tractations entre les États finalement. Et voilà, c'est pas forcément toujours évident. Et pour se remettre dans le contexte, pourquoi ne parlerons-nous pas, ça veut dire, des élections de 2014. Alors en 2014, qui était sortant? C'était le parti du PPE, parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau européen, on peut faire des alliances d'idées, dirons-nous. Voilà. En fait, c'est par exemple, la droite espagnole et la droite italienne peuvent être reconnues par le PPE, enfin, peuvent se reconnaître dans le PPE, donc qui est le parti des conservateurs, dirons-nous, de droite. Et ça permet voilà, de faire des après ça permet de faire une sorte de coalition de partis au niveau des États et puis de faire des coalitions au global si on n'a pas la majorité pour essayer de gouverner comme dirait l'autre voilà, c'est un petit peu les bails quoi. Et le PPE avait décidé de présenter alors ils ont eu 221 sièges et c'était Jean-Claude Juncker qui était tête de liste dirons-nous, et qui a été élu après au Conseil européen. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup, qui picole, avec tous les dirigeants de l'Union européenne. En seconde ou deuxième position, c'est vous qui voyez, en fait, c'est une règle qui est tacite, mais c'est pas écrit quelque part en fait. Nous avons Martin Schulz, et lui représentait le PCE, c'est les sociaux-démocrates. Alors il est allemand, pour ceux qui ne savent pas, que Jean-Claude Juncker lui est luxembourgeois. Et il s'est présenté à la chancellerie allemande il y a quelques années, je pense que ça devait être en 2016, je crois, peut-être. Ça n'avait pas été très réussi, dirons-nous. Et donc le PCE, c'est 191 sièges. Après, on a les divers. Donc pas de candidats, alors c'est le CRE plutôt. C'est 70 sièges. Après, nous avons les libéraux. De ADLE, voilà, Adlib, et c'est Guy Verhofstadt, qui était Premier ministre belge il y a quelques années, c'est 67 sièges. Nous avons après, dirons-nous l'extrême gauche, ou on va dire la gauche radicale, avec Alexis Tsipras, ses 52 sièges. Juste après, nous avions les Verts avec Ska Keller, et un élu vert allemand. Et nous avons aussi José Bové pour le démontage de McDonald's. Et après, donc, on a les EDLE, je ne sais pas ce que c'est, ça ne me dit rien. Et après, on a les non-inscrits, c'est... Il y a pas mal de gens, bon, il y a des petits partis bien évidemment, et aussi dans les non-inscrits, on a fait certaines partis d'extrême droite à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de courant européen pour l'union des partis d'extrême droite, tout simplement. Et alors donc, je cherche parce que j'ai plein d'onglets ouverts, donc en fait maintenant je vais vous parler au niveau de la France pour ces élections de 2014, qui avait remporté la martingale. Ah oui, peut-être avant de passer là-dessus, je vais peut-être rappeler aussi le score. Pour 2014, je veux pas la tête à Guy Verhofstadt, non merci. Nous avons eu par exemple un taux de participation de 43,09% au niveau européen. Notez que ce taux s'est amélioré pour les dernières élections, c'est peut-être pas plus mal. Donc pour 2014, nous avions eu en fait en France le Front National, Rassemblement Bleu Marine, qui avait remporté 24 sièges. Derrière, nous avons l'UDI. L'UMP, oui, parce que tu as trop changé de nom, en fait, je confondais, donc qui est maintenant les Républicains, qui eux avaient eu 20 sièges. D'ailleurs, nous avions le Parti Socialiste en fusion avec les radicaux de gauche, ça c'était 13 sièges. Nous avions l'UDI en crossover avec le Modem, parce qu'à l'époque, la République En Marche n'existait pas, donc ça c'est 7 sièges. Europe Écologie Les Verts, c'est 6 sièges, et le Front de Gauche, c'est 4 sièges. Eux, ils ont complètement disparu. Ils ont complètement disparu. Maintenant, c'est ce qu'on pourrait appeler la France insoumise, mais voilà, faut pas trop confondre. Donc ça, c'était 2014. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse un peu plus, 2019. C'est le futur. Non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le présent, c'est le futur, c'est maintenant. Donc, on votait toujours pour 751 sièges. À noter que si on avait eu droit à Brexit, ça aurait pas changé grand-chose, parce qu'en fait, on aurait réparti les sièges au niveau européen. On est plus de députés. Je crois que c'est pour ça qu'en fait on avait 79 inscrits sur les listes européennes, alors que normalement il y a, je crois, 74 sièges maximum disponibles. Donc en fait, les 5 derniers, ils étaient là que pour le nombre, mais d'avant. Voilà, c'est un peu les remplaçants des remplaçants. Excusez-moi, c'est un peu le remplaçant du Gaulle, quoi. Donc, là, ça a été. Alors là, il y a eu pas mal de movement. Il y a quand même pas mal de. Ça a pas mal bougé. Nous avons toujours quand même le PPE qui a remporté le maximum des suffrages. Cette fois, ils sont passés à 180 sièges. Ils ont Manfred Weber, qui est un Allemand. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose comme ça, mais bon, bref, ça va. Derrière, nous avons donc les sociaux-démocrates, dont le PCE avec 146 sièges. On a eu une grosse percée par contre des libéraux. C'est la LDE ou ADLE aussi, voilà, c'est pour ça que je confondais. C'est parce qu'il y a plusieurs graphies selon qu'on le dise en anglais, peut-être en allemand, peut-être en tchèque, je ne sais pas. Ça, c'est 109 sièges. Derrière, nous avons une belle percée des Verts aussi, avec 69 sièges. Ils ont toujours Ska Keller en tête de liste. Derrière, on a le CRE. En fait, c'est les conservateurs chrétiens, voilà, grosso modo, pour pas trop caricaturer. Eux, c'est 59 sièges. Derrière, nous avons ENL, et ça, c'est la liste un petit peu. Voilà, c'est la liste d'extrême droite, parce qu'ils sont. Comment ça s'appelle leur tête de liste, c'est Matteo Salvini. Et oui, voilà, ça vous apprendra à appeler vos enfants Matteo, tant pis pour vous. Et après, voilà, donc après, on a des listes plus petites. Donc, on a le ELDD, 54 sièges. On a les. Comment ça s'appelle l'extrême gauche, on va dire, ouais, 39 sièges. Et puis les non-affiliés, 38 sièges. On va passer maintenant aux résultats pays par pays. D'ailleurs, vous retrouverez les docs qui suivent les liens, tout ça, etc. avec le texte qui suit le podcast. Donc si je me mets au niveau des élections européennes, on va faire pays par pays. Forcément, je vais éviter la France, parce qu'on va y revenir un petit peu plus précisément tout à l'heure. Mais je pense qu'il est important quand même, comme c'est dès les élections européennes, de parler de cela au niveau européen, parce que je pense que parler que du cas franco-français, c'est ridicule, forcément. Bon, ça reflète un petit peu ce que pense le pays à un moment T. Je pense que c'est pareil pour les autres pays européens, malheureusement, parce qu'il n'y a pas vraiment un engouement à vouloir définir des grands mouvements européens. Mais voilà, je pense qu'il est aussi très très important de parler au niveau de tous les pays qui nous entourent. Par exemple, les Allemands, eux, ils ont 96 sièges admissibles au maximum. Et c'est c'est la CDU qui l'a remporté, donc le parti d'Angela Merkel, avec 29 sièges. Derrière, on a les Verts avec 21 sièges. Le parti des sociodémocrates avec 16 sièges. Alternative from the Strand, ça c'est l'extrême droite, 11 sièges. Die Linke, ça c'est la gauche radicale, 5 sièges. En fait, je vais vous faire tous les sièges. Les libéraux démocrates socio-centristes, à peu près, 5 sièges. Le parti, 2 sièges. Les électeurs libres, 2 sièges. Le parti des protections des animaux, parce que tout est dit, c'est 1 siège, ça fait partie des écologistes. Le parti écologiste et démocrate, 1 siège. Le parti des familles, 1 siège. Le parti pirate, 1 siège. Et autre liste, 1 siège. En fait, tout simplement, par rapport à la France, l'Allemagne, il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas de seuil avant lequel on est éligible à des sièges. Tout simplement, nous en France et dans d'autres pays européens, c'est pas la majorité, c'est 5%. Donc tant qu'on n'a pas 5%, on n'est pas éligible à se partager forcément ce qu'il y a de comme siège, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des listes en Allemagne. Par exemple, si je prends le parti pirate, ils ont un siège avec 0,7% des électeurs. Donc la France, c'est 74 sièges. En Italie, nous avons 73 sièges. Alors, qui c'est qui l'a remporté? Eh bien, c'est la Liga, le parti d'extrême droite, avec 29 sièges. Alors, c'est le parti qui est actuellement au pouvoir avec, comment ça s'appelle, Matteo Salvini, un ministre de l'Intérieur. Nous avons derrière le parti démocrate, donc les sociodémocrates, qui ont remporté quand même 19 sièges, ce qui est quand même assez intéressant comme dynamique. C'est quand même une dynamique assez forte parce que les sociodémocrates, dans pas mal de pays européens, ça périclite un peu. Je pense par exemple à la France. Derrière, nous avons le mouvement 5 étoiles, donc ce parti, certains qualifieraient de populiste, eux, ils sont en gouvernance avec donc la Ligue, la Lega, et avec le mouvement 5 étoiles. Eux, ils ont eu 14 sièges. Derrière, nous avons Forza Italia. Ça, c'est les conservateurs, normalement, de Berlusconi, si ma mémoire est bonne. C'est 6 sièges. Frères d'Italie, ça, c'est la droite bien nationaliste et souverainiste. 5 sièges. Et le Parti Populaire du Sud-Tirol, c'est des écolos. Vous voyez que les écolos chez les Italiens, ça n'existe pas. Et qu'il n'y a pas cette fragmentation. Parce qu'ils n'ont qu'un siège avec 0,63% des suffrages. Au Royaume-Uni, parce que oui, le Royaume-Uni n'est pas sorti... cause de Brexit pour l'instant. Donc nous avons un parti tout nouveau qui mène la danse, donc c'est le parti du Brexit, le Brexit Party, de Nigel Farage, pour ceux qui connaissent. C'était lui le chef de file des Leaver pour sortir de l'Union Européenne. Il a quand même remporté 29 sièges. Alors j'espère que pour eux, les élites anglaises auront compris que finalement le peuple anglais, pendant tout ça. Pas dans toute sa, comment ça s'appelle, globalité, mais quand même qu'il y a un fort mouvement pour rappeler que quand même ce Brexit est souhaité, que ce n'était pas une erreur qu'auraient fait les électeurs à l'époque. Ils se sont trompés en mettant le bulletin. Ah là, on va les refaire voter, on sait jamais, en leur faisant bien comprendre qu'ils avaient mal voté la première fois. Non, non. Là, je pense qu'on leur a fait quand même un petit peu comprendre. D'ailleurs, on a le Parti libéral-démocrate, avec ses sièges. Alors, c'est 73 sièges aussi, au global, pour le Royaume-Uni. Le Parti travailliste, 10 sièges, le parti vert, 7 sièges, le parti conservateur, 4 sièges, le parti national écossais, 3 sièges, le Plaid Cymru, ça doit être des Irlandais, c'est des écolos, 1 siège, le Sinn Féin, ça c'est la gauche radicale, mais c'est le parti irlandais, qu'on s'appelle pour l'Irlande réunie, tout simplement, le Sinn Féin, donc ça c'est... comment ça s'appelle, un siège. En fait, je me suis fait jeter de la page. Ça a rechargé la page comme ça. Derrière, on a le Parti démocrate unioniste. Ça, c'est les conservateurs. Je pense que ça doit être pareil pour l'Irlande. Eux, au contraire, qui sont pour que l'Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni. Et le Parti de l'Alliance et des centristes. Pour l'Espagne, nous avions 54 sièges. Ah oui, à noter, j'ai pas noté la participation, à noter que... Alors, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas noté ça. En Allemagne, on avait 61% de participation. En Italie, on avait 54% de participation. En Angleterre, par contre, grosse chute, 37%, dirons-nous, de participation. En Espagne, on avait 64% de participation. On avait le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, c'est le parti qui est normalement au pouvoir. Les 20 sièges. Le Parti Populaire, ça c'est le PP, c'est le parti de Mariano Rajoy qui était Premier ministre il y a encore quelques temps avant la motion de censure. Donc 11, 12 sièges. Ciudadanos, 7 sièges. Podemos, 6 sièges. Vox, c'est le parti d'extrême droite qui monte tranquillement dans les esprits espagnols, dirons-nous. 3 sièges. Les Républiques maintenant, 3 sièges. Ensemble, Libre pour l'Europe, 2 sièges. Ça, c'est des écolos à la fin. Et Coalition pour une Europe solidaire, 1 siège. La Pologne, alors, participation, taux de participation 45%, on va dire. On va arrondir. Non, là, il y avait beaucoup moins de listes qui ont pu arriver en tête. Enfin, en tête, qui ont eu beaucoup moins de listes. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a eu une coalition, qui s'est appelée d'ailleurs Coalition Européenne, qui souhaitait faire la nique au parti droit et justice qui est le parti actuellement au pouvoir. En fait, là, cette coalition européenne, je crois qu'il y avait, c'est, en fait, ça a été la composition de 8 ou 9 partis, grosso modo, je crois. Mais malgré tout, c'est droit et justice qui l'a remporté avec 45% quand même des sièges, des suffrages pour 26 sièges, parce que sur la Pologne, c'est 51 sièges, 51 les enfants. La coalition européenne derrière, c'est donc 22 sièges avec 38%. Et derrière, on a printemps, et pas été, c'est 3 sièges. En Roumanie, alors maintenant, on commence à passer à 32 sièges, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde. Là, la participation, c'est comme en France, 51%, grosso modo. On a le Parti National Libéral, donc c'est les conservateurs, avec 10 sièges. Le Parti Social-Démocrate, sociodémocrate, 8 sièges. L'Alliance 2020, c'est les centristes, 8 sièges. Pour la Roumanie, c'est des sociodémocrates avec ce nom. 6 sièges, l'Union démocrate Magyar de Roumanie, 2 sièges, et le Parti Mouvement Populaire, les conservateurs, 2 sièges. Les Pays-Bas, 26 sièges, participation 41% pour un membre qui fait partie depuis, fait partie des membres fondateurs de l'Union Européenne, quasiment, je crois, si je ne me trompe pas, c'est quand même très peu. Donc on a le Parti Travailliste avec 6 sièges, le Parti Populaire, Libéral et Démocrate, 4 sièges, l'appel chrétien-démocrate, 4 sièges, la gauche verte, pas la droite verte, probablement que je parlerai de la droite écologiste, peut-être, si je trouve des infos, 3 sièges, Forum pour la démocratie, 3 sièges, les démocrates 66, comme Eiffel, 2 sièges, l'union chrétienne, 2 sièges, le parti pour les animaux, vous voyez que quand même les gens qui aiment les animaux, ils ont quelques sièges, 1 siège, et 50 plus, 1 siège, je ne sais pas ce que c'est. Alors chez nos amis les Belges, ils sont un peu plus vénères. Alors déjà, il faut rappeler que le vote est obligatoire là-bas. Donc c'est 88% de participation. C'est eux qui font remonter la moyenne, grosso modo. Nous avons l'Alliance néo-flamande, donc ça c'est le souverainiste flamand qui ont remporté 3 sièges. Derrière, on a Intérêt flamand, ça c'est une liste bien vénère, un peu vénère d'extrême droite, 3 sièges. Le parti socialiste francophone, 2 sièges. Les libéraux-démocrates flamands, 2 sièges, ça c'est les centristes. Le Parti démocrate chrétien et flamand, 2 sièges. 2 sièges aussi pour les écolos, le mouvement réformateur. Après, on a Groen, si je le prononce bien. 1 siège, le parti. Non, c'est qu'un... De toute façon, là, c'est tous 1 siège. Le Parti socialiste néerlandophone, c'est compliqué à dire. Le Parti du travail de Belgique, les centres démocrates humanistes et le Parti chrétien social. Pour la Grèce, alors la Grèce c'est pareil, il y a eu, c'est passé énormément de choses, hein. Vous savez, l'histoire de la dette de la Grèce, tout ça, la Troïka, j'y reviendrai probablement un jour là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Eux c'est 21 sièges, comme la Belgique, je crois que je l'avais dit, c'est pas grave. Taux de participation quand même 58%, c'est pas mal, enfin c'est pas mal. On a pu s'attendre à pire, malheureusement. Donc c'est les conservateurs qui l'ont remporté avec 8 sièges, derrière on a Syriza, donc le parti au pouvoir, avec 6 sièges, et puis derrière on passe à 2, puis 1. Donc à 2 sièges, nous avons le Mouvement pour le Changement, sociodémocrate, le Parti communiste de Grèce, 2 sièges, et là nous avons quand même des mecs très vénères, c'est l'Aube Dorée, ça c'est des vrais bons néo-nazis, parce que des fois en France on se dit, est-ce que le Rassemblement National c'est des néo-nazis ou pas? Je vous laisse juger dans vos têtes, mais eux, par contre, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser, c'en est des vrais. Et il faudra noter, parce que ça m'y fait penser, vous voyez marqué l'Aube Dorée, que nous avons aussi les indépendantistes catalans qui souhaitent siéger au niveau européen, certes, soit, Sauf qu'en fait, ils ne peuvent pas s'y rendre parce que, attention, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être indépendantiste, monsieur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, c'est que, bah, comment dire, bah, en fait, on préfère jeter les indépendantistes dehors plutôt que les jeunes d'extrême droite comme Obdoré. Et après, derrière, on a solution grecque, c'est du souverainisme. La Hongrie, c'est 21 sièges aussi, alors le taux de participation, 43%. Alors, c'est le Fidesz qui l'a remporté, avec 13 sièges, c'est le parti au pouvoir et c'est le parti de Viktor Orban. Derrière, nous avons la coalition démocrate avec 4 sièges, Momentum, qui est un mouvement de libéraux qui pousse un peu, c'est 2 sièges, le Parti socialiste hongrois, 1 siège, et Jobbik, c'est 1 siège, et c'est l'extrême droite. Alors, chez nos amis, les Portugais, c'est 31% de taux de participation, formidable. 21 sièges, eux aussi, donc c'est le Parti socialiste qui l'a remporté, ils sont au pouvoir. On a derrière le Parti social-démocrate, c'est les conservateurs, faut pas confondre. Le bloc de gauche, c'est la gauche radicale. La coalition démocratique unitaire, pardon, c'est 2 sièges. Et c'est la gauche radicale. Le CDS, le Parti populaire, c'est les conservateurs, 1 siège. Et personne, animaux, nature, parce qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a rien, on laisse pas respirer, c'est 1 siège. Et un seuil de 5% aussi chez eux. Et beaucoup de pays, c'est pour ça que ça fait beaucoup. Alors, on a la République tchèque. On a oui 2011, les mecs sont à la bourre avec ah oui, quand même, 28% de participation. Donc oui 2011, c'est les libéraux. 6 sièges, là on a les conservateurs du Parti démocrate civique, c'est-à-dire que les mecs qui sont quand même un peu. Voilà. C'est 4 sièges. Le Parti pirate tchèque, quand même, qui fait 3 sièges. Bravo à eux. Écologistes, forcément, bon, un petit peu, pas forcément écolo, mais voilà. Enfin, cette mouvance-là. Top 9, Estan. Voilà. C'est 3 sièges, c'est les conservateurs. Liberté et démocratie directe, je vous laisse deviner ce que ça peut être. C'est l'extrême droite. 2 sièges. L'Union chrétienne démocrate, tchèque, avec 2 sièges. Et le Parti socialiste de Bohême et Moravie, 1 siège. Donc ça, c'était la République. On passe en Suède maintenant, on passe à 20 sièges, 54% de participation. Donc, c'est les sociodémocrates qui ont remporté 5 sièges. C'est le Parti social-démocrate suédois des travailleurs. D'ailleurs, on a les modérés, qui eux sont conservateurs. On a les démocrates suédois, qui avaient bien foutu la merde et qui font une jolie poussée aussi en Suède. Ça, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, nous avons le Parti de l'environnement, les Verts, 2 sièges. Le Parti du centre, les centristes libéraux, ça, c'est 2 sièges. Les chrétiens-démocrates, 2 sièges. Le Parti de la gauche et les libéraux, 1 siège chacun. Pour l'Autriche, c'est 60% de taux de participation, grosso modo. Le Parti populaire autrichien, ça c'est, je crois que c'est le parti de. Comment ça s'appelle? Du chancelier qui était pris dans le scandale avec comment ça s'appelle, son partenaire d'extrême droite, qui a voulu vendre. Enfin, quand il lui a proposé. Ça vous dit si les Russes vous aident, que vous refiliez des entreprises d'État? Ah oui, pas de problème. Donc voilà. J'ai plus son nom, mais c'est le nom. Ce ne serait pas le prononcer de toute façon. Derrière, on a le Parti social-démocrate avec 5 sièges. Donc ça, c'était 7. Alors, c'était 7 pour le Parti populaire autrichien, 5 pour le Parti social-démocrate d'Autriche. Derrière, nous avons le Parti autrichien de la liberté. Ça, c'est extrême à droite. Vous devinez ça qui est bien, hein, les noms. Derrière, on a les Verts, les écolos, 2 sièges, et Neos pour la Nouvelle Europe. Ça, c'est les centristes. En fait, c'est bien ça qui est bien. On a tout le paysage politique. Un seul truc, ça c'est sympa. La Bulgarie, 30% de taux de participation, c'est magnifique, c'est formidable. C'est les conservateurs qui l'ont remporté. Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie. Le Parti socialiste bulgare, ça existe avec 5 sièges, donc c'était 6, 5. On arrive à 3 sièges avec Mouvement des droits et des libertés. Le Mouvement national bulgare, c'est que des souverainistes, eux, avec ce nom, 2 sièges et 1 siège pour Bulgarie démocratique. Nos amis, les libéraux. Il en reste encore des pays, mais en fait, les listes sont plus courtes. Oh! Enfin, je dis ça et je tombe sur des pays, en fait, le Danemark, où même si nous avons que 13 sièges, il y a 150 listes parce qu'il n'y a pas de fragmentation. Ah, si, quoi, qu'il y a une fragmentation. En fait, les mecs ont très bien voté parce qu'ils ont mis, ça arrive à mettre tout le monde, c'est beau. Donc, c'est 66% de taux de participation, dont j'en conclus avec 66% de taux de participation. C'est peut-être que le vote est obligatoire, je ne sais pas. Donc, nous avons ceux qui ont remporté le bâton de maréchal. Nous voilà, c'est le Parti libéral du Danemark, 3 sièges, les sociodémocrates, 3 sièges aussi, Le Parti populaire socialiste, et c'est des écolos, voilà. 2 sièges. Le Parti du peuple danois, extrême droite, 1 siège. Le Parti social libéral danois, comme le salami danois, 2 sièges. Ah, à noter que je crois qu'ils sont trompés, oui, parce qu'en fait, les mecs, deux fois à la fois, 1 et 2 sièges, je comprends pas. Donc je pense que pour Parti du peuple danois, c'est 2 sièges. Ou alors, je ne sais pas. Je ne sais pas compter. Ou alors c'est le monde qui ne sait pas compter, mais c'est pas grave. Donc après, on a le Parti populaire conservateur, 1 siège, et la liste de l'unité. Ça, c'est gauche radicale, 1 siège. La Finlande. C'est pas Finlande, c'est Groenlande. 40%, ouais, 41% de taux de participation. Premier parti, donc le parti de coalition nationale, eux, c'est des conservateurs, 1 siège. La Ligue verte, c'est comme la ligne verte, mais une ligue, 1 siège. Le Parti social-démocrate de Finlande, 2 sièges, c'est des sociodémocrates. Vrai Finlandais, je répète, vrai Finlandais, 2 sièges, c'est de l'extrême droite. Le Parti du centre, 2 sièges. Alliance de gauche, gauche radicale, 1 siège. Et le Parti populaire suédois de Finlande, c'est des libéraux. Moi, j'essaie de vous faire deviner, voilà, pour, avec les noms qu'ils ont, essayer de deviner, parce que moi je sais pas. La Slovaquie, taux de participation, je pense que je, ça fait longtemps que j'avais pas vu un taux de participation comme ça. Je suis mignon, 23%. Donc c'est Slovaquie progressiste, démocratie civique, c'est les libéraux, 4 sièges. Derrière on a les sociodémocrates avec 3 sièges, c'est Direction Social-Démocratie. Parti populaire Notre Slovaquie, ça c'est l'extrême droite, 2 sièges. Le mouvement chrétien-démocrate, c'est les conservateurs, 1 siège. De temps en temps on passe de 1 à 2, ah peut-être il n'y avait pas de faute en fait, je sais pas, c'est les mecs qui tirent à la corde après pour savoir qui gagne, parce qu'en fait on a 2 sièges après pour Liberté et Solidarité. C'est les libéraux. Et un parti qui a un nom étonnant, avec 1 siège, les gens ordinaires et personnalités indépendantes. Je vous laisse méditer. Maintenant, nous allons passer en Croatie. En Croatie, c'est 11 sièges et 30% de taux de participation. C'est l'Union démocratique croate. Il a remporté, c'est des conservateurs, 4 sièges. Derrière, nous avons le Parti social-démocrate de Croatie, 3 sièges. Les souverainistes croates. Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il peut être. 1 siège. La liste indépendante de... alors. Mislav Kovac... non. Kovacki. Je ne sais pas le dire. 1 siège. Derrière, nous avons une liste qui n'est affiliée à rien. Mais elle a un nom qui me laisse pantois. Plus facile à prononcer aussi. C'est le bouclier humain. Pourquoi? Je ne sais pas. Et après, donc ça c'est 1 siège. Et après, on a la coalition d'Amsterdam. 1 siège. Probablement qu'ils vont chercher de la bœuf. Je sais pas, ouvrir des putes. Et c'est pas. Derrière, on a nos amis les Irlandais. Alors, ce n'est pas Guinness qui l'a remporté. Alors, ah, c'est pareil, il y a des noms comme je les aime. 50% de taux de participation. C'est le Fine Gael qui l'a remporté avec 5 sièges. L'Alliance Indépendante. Les mecs sont au filiaring. 3 sièges. Donc, le Sinn Féin. 1 siège et 2 sièges pour le Parti des Verts. Je sais pas pourquoi, d'un coup, on passe de 1 à 2. Je sais pas. C'est mal foutu leur truc, soit je sais pas, le mec il tire à la corde. Faut la courte paille peut-être. Maintenant on passe à la Lituanie, 11 sièges, 53% de taux de participation. Ah, donc nous avons 3 sièges pour l'Union de la Patrie, chrétienne, démocrate et lituanienne. Le Parti social-démocrate de Lituanie, 2 sièges. Je vous laisse deviner à quoi ça pourrait correspondre selon vous, c'est très simple quand même à comprendre. L'Union lituanienne agraire et des Verts, voilà, c'est la fin qui t'aide. Le Parti travailliste. C'est des libéraux. Le mouvement libéral, eh ben c'est des libérales. Voilà. Derrière, nous avons Action électorale polonaise de Lituanie. Alors, tout ça, c'était un siège. De Lituanie, coalition de l'Alliance et autres joyeusetés. 1 siège. Et puis, on a autre liste. 1 siège. Allez, hop, hein. Bah, les couilles. La Lettonie. Alors, la Lettonie, c'est 33% de taux de participation. Eux, ils avaient 8 sièges. Donc, en fait, ils avaient unité. C'est des conservateurs, 2 sièges. Le Parti social-démocrate Harmonie, 2 sièges. Alliance nationale extrême droite, 2 sièges. Développement slash pour, point d'interrogation, point d'exclamation même, oh, je me trompe. 1 siège, c'est des libéraux. Et l'Union russe de Lettonie, c'est des écolos, 1 siège. Donc la Slovénie, 28% de taux de participation. Oh, ah, ça va vite. Parti démocrate slovène, 3 sièges. Les sociaux, ça c'est conservateur. Sociaux-démocrates, 2 sièges. La liste de Mlađan Šarec, 2 sièges, c'est des centristes. Et Nouvelle Slovénie, parti chrétien populaire, 1 siège, c'est les conservateurs. Alors après, nous avons 6 sièges pour Chypre avec 45% de taux de participation. Nous avons le Rassemblement démocrate, conservateur. Le Parti progressiste des travailleurs, donc gauche radicale, 2 sièges. Alors c'est 2 sièges et 2 sièges. Parti démocrate, 1 siège. Et le Mouvement social démocrate, 1 siège aussi. L'Estonie, 37% de taux de participation. Donc nous avons le Parti réformateur avec 2 sièges. Le Parti social-démocrate, 2 sièges. Le Parti du centre, des libéraux je pense, 1 siège. Et nous avons un parti d'extrême droite, le Parti populaire conservateur. Nous, ce n'est pas des conservateurs, mais peut-être qu'ils conservent mal. 1 siège. Le Luxembourg, nous n'avons pas le parti de l'exil fiscal, c'est bien dommage. 84% de taux de participation. Je pense qu'il y a... c'est un petit peu obligatoire. Parti démocratique, donc c'est les centristes. 2 sièges et libéraux. Parti chrétien social luxembourgeois, c'est les conservateurs, 2 sièges. Les Verts, 1 siège. Le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, 1 siège. Et on finit par Malte, avec le Parti travailliste, les sociodémocrates, 4 sièges. Et 2 sièges pour le Parti nationaliste, qui eux sont des conservateurs. Et c'est 72% de taux de participation. Maintenant, nous allons nous pencher sur les 79 sièges attribués à la France. Et nous avions par exemple, pour cette élection européenne, qui a remporté tout ça, etc. Nous avons déjà un taux de participation de 50%, et grosso modo, c'est moitié, donc la moitié du corps électoral s'est déplacé. Et qui a remporté la martingale, c'est le Rassemblement National, avec Jordan Bardella, qui a remporté 53,34% des suffrages. Ils ont obtenu 23 sièges, tout comme la liste Renaissance, qui est La République en marche, en fusion avec Agir, je crois. Peut-être, oui, avec Agir, qui sont des gens de droite. Oui, parce que oui, en fait, les centristes sont de droite. J'espère que vous n'allez pas être choqués par cette découverte, mais voilà. Ça, c'est la liste avec Nathalie Loiseau, qui est un peu planquée vers la fin. Donc 23 sièges et 22,42% des suffrages. Derrière, on a la liste Europe Écologie Les Verts. Donc ça, c'était Europe Écologie. C'est 13,43% des suffrages. C'était la liste avec Yannick Jadot. La liste de François-Xavier Bellamy, c'était Les Républicains, avec un nom un peu pompeux, l'Union de la droite et du centre. En fait, l'Union du centre et de la droite, c'était plutôt La République en marche. Mais voilà, c'est 8,48% des voix. Là, par contre, eux, c'est vrai qu'ils sont un petit peu rétamés, la droite. Je pense qu'on peut lire aussi que la plupart des voix qui ont piqué je pense que les gens qui votaient à droite, majoritairement, sont allés soit vers le Rassemblement National, soit vers La République En Marche. Parce que visiblement, les projets récents au niveau des Républicains ont du mal à prendre. Alors derrière, on a eu un petit peu la gamelle. Alors ça a un peu profité à Europe Écologie Les Verts, je pense. Parce qu'en fait, on dit « Waouh, la France, trop bien !» Ou les autres pays européens, trop bien hein. On vote pour les Verts. Alors ça s'est plus vu en Allemagne où ils ont eu des cas plus concrets, mais en France, en fait, on vote beaucoup. Comment ça s'appelle ? Pour les Européens au niveau des. Comment ça s'appelle ? Au niveau des Européens. Au niveau des élections européennes, on vote beaucoup pour les Verts. Pas beaucoup. Il y a quand même eu une belle progression, quand même. Ils ont gagné 4 points et demi. Mais ça, on va dire que traditionnellement, on vote plutôt pour ces partis-là, pour les Européennes. Et après, dirons-nous qui vont au gouvernement, qui est rarement un gouvernement écologiste, comme François de Rugy, par exemple, qui vient d'Europe Écologie Les Verts, ceux qui s'en rappellent, ou Jean-Vincent Placé, par exemple. Donc, en fait, voilà, dès qu'ils peuvent être élus, quand même, ils y vont, même si c'est pour des gouvernements où finalement on se pose pas tant de questions que ça sur le glyphosate. Oh, ça, je sais pas, hein, parce que est-ce que c'est compliqué d'en débattre ? Alors ça dépend si on prend pour le problème de la santé, où rien n'a été encore forcément avéré. Je ne jetterai pas la pierre. Par contre, peut-être au niveau de la saturation des sols, tout ça, etc., il faudra peut-être commencer à s'y pencher. Mais je pense que c'est pas qu'un problème aussi dû au glyphosate, c'est un problème global dû aux intrants qu'on met dans les sols pour que ça marche bien, mais au bout d'un moment, les sols saturent. Je parle même pas sur la santé humaine et surtout animale, enfin de la nature, tout ça, etc. Ça devient un peu compliqué, mais j'y reviendrai un autre jour. Donc derrière, on a la France insoumise, avec la France insoumise de Manon Aubry, avec 6,31%. On peut appeler ça à peu près une gadin. Et après, on a le retour des morts vivants avec le Parti Socialiste. On pensait qu'il était mort. Avec Envie d'Europe écologique et sociale. On dirait un nom de yaourt. C'est 6,19%. Et c'est la liste de Raphaël Philippe Gueluc-Sman. Voilà. C'est un mec un peu drôle quand même. Donc, quand tu sais qu'il a comment ça s'appelle, il est allé voir des mecs en Géorgie pour leur dire ouais tenez je vais vous aider ou je sais pas quoi, il est reparti avec des valises, il s'est fait arrêter, sa femme s'était fait arrêter, sa femme ou je sais pas quoi, s'était fait arrêter à l'aéroport, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Bah c'était à peu près tout hein, ce qu'on avait à faire. Donc en fait finalement il n'y a eu que 74 sièges de données. Bah en fait il devait y en avoir 79, mais c'est pas grave. C'était que si les Anglais se barraient. Donc on verra, peut-être qu'il y aura des gens qui vont remonter si se passe un truc. Je sais pas, comme les forums, si le Brexit a lieu. Alors avant peut-être de parler, de faire une analyse un peu plus précise de ce qu'on pourrait dire que la France, ce pays de grands fachos, voilà, ou la France, ce pays submergé par une vague verte de l'écologie, je vais vous parler de trois listes, et pas des moindres, qui m'ont fait... M'ont-elles fait rire? Je ne sais pas. En tout cas, elles m'ont interloqué. Alors elles n'ont pas eu autant de voix que ça, et j'ai dit quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Donc on va parler, alors déjà... Je vais vous lire le nom de cette liste. Enfin, je vais dire déjà le nom de la liste. Déjà, c'est la liste de la dissidence française face au grand remplacement contre la lobbycratie de Bruxelles votée nationaliste. Alors, c'était Vincent Vauclin. Alors, visiblement, pas grand monde a voté pour ça. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Je vais essayer de vous lire un petit peu de quoi il parle. Vous comprendrez, je pense, la substantifique moelle. Parce que j'aime bien vous parler des petites listes comme ça, parce que quand on dit voit quand même le Rassemblement National, c'est du gros néo-nazi, ou je sais pas quoi. Là, vous allez voir que quand même, il y en a qui mettent le curseur, le niveau est haut. Face au grand remplacement, organiser la rémigration, ou la remigration, je sais pas comment ils le disent. La crise migratoire que connaît l'Europe témoigne de la faillite intégrale du multiculturalisme et de l'idéologie nationaliste. Alors je suis en train de me dire que comme je vous parle de ça, est-ce que maintenant on va me comparer à un facho? Je sais pas. À vous de voir. Le bilan, on le connaît, terrorisme islamiste, explosion de la délinquance, augmentation du chômage. À terme, les peuples européens sont purement et simplement menacés de remplacement par les populations émigrées d'origine extra-européenne qui ne partagent avec nous ni la culture, ni la langue, ni les mœurs. Il faut réagir, et vite. Voici ce que nous ferons immédiatement élus. Évidemment, ils n'ont pas eu d'élus, je comprends pas. Rétablissement permanent des frontières nationales. Alors, c'est noté que c'est au niveau européen, donc je ne vois pas l'intérêt. Légalisation et publication des statistiques ethniques. Donc en gros, voilà, c'est un peu basané. Hein. Attention, on va te dénoncer à la police. Application immédiate de la préférence nationale. Donc, bon, si t'es un peu basané, bah tant pis pour toi. Suppression du droit du sol, du droit d'asile et du regroupement familial. Au moins, là, on a une bonne raison de ne pas accueillir Julian Assange. Expulsion systématique des clandestins et délinquants étrangers. C'est-à-dire que si t'es un délinquant français, par contre, ça va. On va pas te renvoyer dans ton pays parce que bah t'y es déjà. Simplement. Organisation du retour des immigrés dans leur pays d'origine. Alors on va faire un petit train là et on va les ramener chez eux. Ah merde, j'ai parlé de train. Ah merde, moi j'aurais pas dû. Et après derrière on a quand même une autre mamelle parce que les mecs sont allés un peu loin, tu vois, quand même ils ont essayé de trouver un autre sujet, tu vois. Contre la lobbycratie de Bruxelles, bâtir l'Europe de demain. Technocratie et fédéraliste, massivement rejetée par les peuples européens, l'Union européenne est dans une impasse. Point. Face aux défis posés par la mondialisation économique et la crise écologique, on parle d'écologie quand même, par la pression démographique de l'Afrique et l'avènement d'un monde multipolaire, par les mutations technologiques et le poids croissant des multinationales, l'Europe doit renouer avec son héritage millénaire, ouh, je sens arriver le truc, et retrouver le chemin de la puissance et de la souveraineté. Voici ce que nous proposons immédiatement. Donc, suspension de la participation française à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Annulation des accords de libre-échange transatlantique, instauration du protectionnisme et promotion du localisme, interdiction des lobbies et organisations communautaristes, je ne vois pas de qui parle, affirmation des racines chrétiennes de la civilisation européenne, les mecs veulent quand même sortir de l'Union européenne, veulent quand même faire une civilisation européenne, je sais pas, qui va pas. Un nouveau traité pour une alliance confédérale des nations européennes. Donc j'espère que vous avez trouvé de quel bord politique ils sont, si je ne l'ai pas dit. Si vous ne trouvez pas, je sais pas. Je peux pas vous dire. Déjà, il parle de grand remplacement, donc déjà. Et bien d'ailleurs, en parlant de grand remplacement, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous allons parler de la liste. Alors c'est une liste qui a eu bisbille à la fin, parce qu'il y a des gens qui font des croix gammées dans le sable. C'est quand même malheureux. Probablement qu'ils voulaient faire un truc hindou là pour dire que ça, là, voilà. C'est quand même un peu dommage. Mais voilà, en fait, on va dire qu'il y a un petit peu bisbille vers la fin, et j'ai déjà eu du mal à te retrouver, parce que je l'avais lu avant toutes ces mésaventures, disons-nous. J'avais lu la profession de foi, ouais, les propositions de ce qu'ils vont faire, et j'étais pas arrivé, et j'étais obligé d'aller fouiller dans le cache de Google pour retrouver ça, parce qu'en fait, ils avaient carrément fait sauter le site, et je me suis retrouvé sur un espèce de site d'extrême droite, avec voilà, des petits trucs sur les migrants, tout ça, etc., comme d'habitude, et avec des trucs sur le jeu vidéo aussi. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre ça, pourquoi un tel mélange? Je comprends toujours pas. Peut-être qu'ils veulent attirer les gens du forum hvideo.com, je sais pas. Enfin bref. Alors déjà, ça commence déjà en arrivant sur le site, parce que moi j'ai plus le graphisme, c'est dommage, c'était beau. En arrivant sur l'Europe, il ne faut pas en sortir. Il faut en sortir l'Afrique. Je vous laisse réfléchir ce que ça veut dire, attention. Et c'est bien évidemment ce brave Renaud Camus, cofondateur de, et c'est la liste, la ligne claire. Alors c'est l'un des plus grands provider de ce qu'on appelle le grand remplacement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui vont venir nous remplacer. Et en plus, le pire, c'est que ce serait les élites qui veulent ça. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt qu'avoir un SDF français, ils préféraient avoir un SDF étranger. Ma foi. Je ne sais pas. Comme ça. Alors, proposition, un arrêt immédiat de toute immigration, y compris et surtout celle qui est liée au regroupement familial. La France et l'Union européenne, si c'est une condition ou une conséquence inévitable de ces mesures, dénonceront les traités et se retireront des espaces internationaux qui entravent leur liberté de décision et d'action en matière migratoire. Proposition numéro 2. Démantèlement généralisé sur l'ensemble du territoire européen. A noter qu'eux, ils ont quand même compris un petit peu que c'était au niveau européen quand même. C'est-à-dire que les autres, ils ont rampigé. Mais oui. Donc, démantèlement généralisé sur l'ensemble du territoire européen des dispositifs d'appel d'air migratoire en quelques domaines que ce soit, qu'il s'agisse des prestations sociales ou des attributions de logement, de l'accès aux soins médicaux et ou à l'éducation. Proposition numéro 3. Politique de maintien sur leur territoire d'origine des populations candidates à la migration par la mise en place de dispositifs d'aide aux pays en voie de développement qui seront affectés à des projets déterminés et fiables, bien évidemment, parce que ce n'est pas drôle, conçus pour des particuliers ou des organisations soigneusement choisies sans qu'ils soient nécessairement passés par le truchement des États. Proposition numéro 4, mise en place d'une double préférence nationale et européenne dans l'allocation de droits ou de prestations quelconques conduisant à donner la priorité successive d'abord aux ressortissants de chaque pays membre, puis à celui de tout autre pays membre de l'Union européenne. Proposition numéro 5. Limitation du champ d'application du droit d'asile, cas par cas, aux demandes présentées exclusivement hors du territoire européen. La présence d'étrangers non autorisés sur le territoire de l'Union ne sera en aucune façon, pour eux, créatrice de droits, mais constituera au contraire un délit entraînant l'expulsion immédiate aux frais du contrevenant. Retour à une application stricte de l'interdiction pour quelques migrants que ce soit de poser le pied sur le sol européen. Attention, ça va couper. Arraisonné en mer et interpellé sur terre, il sera immédiatement reconduit dans son pays d'origine ou dans les pays de transit, ils s'en débrouilleront, sans pouvoir exciper un motif politique quelconque pour se présenter au droit. Alors, moi, c'est coupé, c'est dommage. C'est bête. Mais c'est pas grave. Alors j'avais proposition numéro 8, je crois que je l'ai loupé, mais elle était longue, c'est pas grave. Suppression du dit droit du sol dans les pays européens où existe ce mode d'accès à la nationalité. Ah, rétablissement ou institution de la double peine à l'égard des ressortissants extra-européens partout en Europe pour les auteurs d'infractions graves. J'en connais qui vont rentrer chez eux. Fin des régularisations et naturalisations, sauf rarissime cas exceptionnel. En gros, si t'es un étranger et que tu fais un acte héroïque, genre tu donnes beaucoup d'argent, par exemple, là je pense que ça passera mieux. Ou alors tu sauves le président. Quelqu'un tire sur le président et tu évites de lui prendre une balle. Peut-être à la rigueur, tu seras sauvé, mais pas sûr. Pour service éminemment rendu à la nation du pays européen considéré. Sinon, ce n'est pas drôle. Ou alors, faut qu'il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup, et encore ça, je suis pas sûr. Proposition numéro 11. Non-renouvellement des permis de séjour jusqu'à présentement renouvelable, sauf cas exceptionnel, comme à l'article précédent. Donc, c'est gros, il faut que tu sois un être très, très, très, très, très, très, très, très exceptionnel. Légalisation des statistiques ethniques sur l'ensemble du territoire européen afin de discerner, évaluer et combattre le phénomène du grand remplacement. Magnifique. Donc voilà, c'est une liste. Alors je sais pas si vous l'aurez compris, c'est un petit peu une liste d'extrême droite, mais je sais pas. Je dis ça comme ça. Après, nous avions aussi une liste qui a fait un petit peu polémique quand elle est arrivée. Alors, est-ce que j'ai son nom? C'est une union. Alors, une Europe au service des peuples. Dit comme ça, ça vous dira rien, parce qu'en fait, ils ont tous des noms à la con. Sauf Esperanto, ceux qui ont parlé d'Esperanto. En fait, c'est l'Union des démocrates musulmans français. Alors, c'est la dernière liste à être arrivée. Pas in extremis, parce que attention, on a failli les censurer, tout ça, comme d'habitude. Alors, déjà, j'étais très étonné, il y a quand même beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'eux, alors, les premiers, là, notre liste de la dissidence, eux, ils en ont rien à foutre. Hein, ils ont mis deux, trois bricoles, à péter. La ligne nucléaire, quand même, ils vont un petit peu plus loin, même si on sent quand même qu'il y a un petit peu une thématique qui ressort, je sais pas, les migrants, je sais pas. Probablement que je confonds, peut-être que c'est mon cerveau qui est... Mais alors nos amis, les démocrates musulmans, eux ils parlent d'écologie, ils parlent de pas mal de trucs, tout ça, etc. Bon, est-ce que c'est le problème c'est que c'est des sujets européens que tout le monde utilise un petit peu comme ça, pour se donner un petit peu bon genre, je pense, malheureusement. Et donc tout le monde est écolo, même ceux qui polluent, la droite qui pollue, c'est pareil, ils s'en foutent, les libéraux, on met un peu d'écologie, et puis c'est pareil, on pollue quand même, on fait des traités à droite à gauche dans le monde, c'est pas très grave. Mais on dit quand même qu'on va réformer, sinon c'est pas drôle. Et donc oui, voilà, ils parlent même de SMIC européen et tout, hein, ils vont assez loin. Et quand même, alors ils parlent aussi d'inégalité homme-femme. Voilà, je laisse réfléchir à votre tête. D'ailleurs, on a le délit de contrôle au faciès, discrimination ethno-religieuse. C'est à peu près là qu'on s'en arrivait le truc un peu plus musulman, dirons-nous. Alors à noter, c'est surtout le contrôle au faciès, ça leur plaît pas, et l'orientation sexuelle. Ça se sent peut-être, je sais pas. La discrimination face au handicap, on a plein de trucs comme ça. Et alors finalement, le sujet le plus musulman, il arrive tout à la fin. Et c'est... il y a mise en place d'un comité ethnique pour contrôler l'indépendance de la presse. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me plaît pas, moi. Avec le nom, déjà... Et c'est à la fin que c'est une loi pour combattre l'islamophobie. Alors je sens que cette loi, au niveau européen, elle va beaucoup passer, surtout dans des pays comme Droit et Justice, par exemple, où c'est les chrétiens qui sont au pouvoir. Moi, je sens que ça va... ça va leur plaire. Et cette loi condamnera toute diffusion de discours de haine envers la communauté musulmane et permettra, notamment en France, au ministre de l'Intérieur de dissoudre les associations et ou groupements islamophobes, tous médias qui exploitent cette littérature islamophobe pour se faire du profit en véhiculant des théories complotistes dangereuses à l'exemple de la théorie du grand remplacement. Oui, il y a un peu tout qui se... Et en fait, tout ça, ça part en fait de « à la lumière des récents attentats terroristes perpétrés dans les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande ». C'est très le niveau européen, ça. On le sent. Voilà, si vous voulez le lire, ça aussi. Ça, par contre, il y a encore la profession de foi. Eux, ils ont un site, un vrai tout. Ah, quand même, ils sont allés... Non, eux, quand même, voilà. C'est la dernière liste inscrite, mais quand même, ils ont vu les choses bien. Parce que la ligne claire, les mecs, ils ont tout fait sauter, déjà. Pff, ils n'ont plus rien à foutre. Moi, je vous laisse lire, vous en pensez ce que vous voulez. Je pense que là-dessus, vous êtes assez grand. Donc voilà, c'était des listes un petit peu... des listes un petit peu communautaires. Des listes des mecs bien fachos de droite. Je me suis dit, pourquoi ne pas en parler à mes magnifiques abonnés, je pense qu'ils... Auditeurs, plutôt, devrais-je dire. Qui ne méritaient pas ça. Non, ils ne méritaient pas ça. Alors après, à côté de ça, forcément, alors de quoi qu'est-ce qu'on se rend compte dans tout ce foutra quand même? C'est que déjà, ça pas. Déjà, on se dit, ouais, le taux d'abstention, il a baissé. Mais quand tu regardes au niveau de l'outre-mer, d'ailleurs, au niveau de l'outre-mer, où les gens ont été étonnés, oh, les gens en outre-mer votent votent Rassemblement National, c'est fou ça quand même. Ben, sauf qu'en fait, il y a un taux de participation qui est absolument dégueulasse. En fait, je crois qu'à La Réunion, c'est genre, il y a eu 20% des gens qui sont déplacés aux urnes, à peu près, quoi. Bon, ça prouve bien que l'Union Européenne, pour eux, c'est une question qui est un petit peu loin, qui est un petit peu floue. Est-ce qu'on leur en voudra? Déjà que souvent, que la France, c'est un petit peu... Alors, c'est des territoires français, certes, là-dessus, on est d'accord. Mais ça a toujours été traité un petit peu par-dessus la jambe par la métropole, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas. Mais après, oui, c'est là qu'on... Enfin, après, globalement, on se rend compte quand même que le vote Rassemblement National, quand même, c'est maintenu. Il a un petit peu baissé, mais quand tu rajoutes le taux d'abstention, parce que généralement, quand il y a le taux d'abstention baisse, c'est-à-dire que les gens sont plus allés voter, et généralement, ils vont voter pour des partis... Genre, on va faire le barrage, le fameux barrage à l'extrême droite, hein, ce truc, ça fait à peu près 40 ans qu'on nous surine avec. D'ailleurs, c'est Mitterrand a joué avec, d'ailleurs, à l'époque, hein, et on s'avait fait d'ailleurs... de jolies polémiques, parce que des gens de droite, du coup, avaient fait alliance avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui était quand même là un peu plus à l'époque, qui était quand même plus vénère, et ça avait fait des belles polémiques. On voyait encore Gilles de Robien qui déchire sa carte, ça je m'en rappellerai longtemps. Ça, c'est pas les trucs que j'ai vu à l'époque, hein, parce que j'étais pas né, mais voilà. Je fais beaucoup de... Excusez-moi. Après, ouais, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que quand même la France des métropoles vote plus largement pour La République En Marche, alors que les territoires plus ruraux se reconnaissent plus facilement dans le vote du Rassemblement National. Après, est-ce que tout cela colle aussi avec la crise des Gilets jaunes, hein, je suis pas sûr à 100%. On va dire déjà que ça fait aussi pas mal d'années. Hein. C'était déjà le cas en 2014, c'était déjà le cas avant. Hein. Je me rappellerai 2002, quand on avait vu la photo de Jean-Marie Le Pen au second tour, là, que les gens, tout le monde avait calanché. Et à l'époque, on pouvait dire que c'était presque pas un accident, mais si la gauche s'était un petit peu moins fracturée à l'époque. Coucou Christine Taubira. Avec Lionel Jospin, tout ça, probablement que le score... Enfin, probablement qu'il ne serait pas arrivé au second tour, mais le score du Front National aurait été quand même très fort. Aurait été quand même très symbolique. Sauf que, voilà, au fur et à mesure, on s'est habitué avec les années au fait que ça s'implante. Après, est-ce que les gens qui soutiennent ça sont 100% fachos? Moi, je ne suis pas sûr à 100%. Je sais que ce que je vais dire là va choquer des gens. Ils vont dire, ben si, quand même, si votre Front National, c'est quand même que c'est des gros fachos, parce qu'ils c'est quand même, délibérément, ils font partie d'un truc. Je peux prendre, par exemple, un cas de figure, qui est-ce qu'il est. On a des attentats islamistes partout dans le monde. Est-ce que tous les musulmans se désolidarise en disant « Oui, non, mais en fait, moi, je veux pas être comme eux, je ne suis plus musulman. » Non. Après, voilà, après, forcément, je pense qu'il y a des gens qui votent Front National qui sont très, très, très, très, très, très à droite. Mais est-ce que c'est forcément... est-ce que tous les gens sont comme Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qui courent après les rouquins en les insultant de PD? J'ai quand même un peu des doutes. Et d'ailleurs, c'est un peu le même principe aussi avec La République En Marche. Aussi, je pense pas que tous les gens qui votent La République En Marche soient 100% d'accord avec ce programme. Je pense d'ailleurs que quand on vote, et je pense que c'est faire preuve aussi d'un aspect critique aussi, je pense que la plupart des gens ne sont pas désilluminés et ils ne pensent pas que 100% des choses que disent leur parti ou le candidat, et déjà ils y croient à 100%, et j'espère encore moins qu'ils pensent que 100% des choses qu'ils disent sont totalement réalisables dans l'État. Sinon, là, ça devient un petit peu plus compliqué, quoi. Mais c'est comme ça. Donc, ouais, je pense que aussi, les gens qui votent La République En Marche... Alors déjà, je pense qu'on a quand même une partie des gens qui, quand même, essaient de garder l'ordre établi, qui leur va très bien. Et on a aussi ces gens qui se disent « On va faire barrage à l'extrême droite. » Ce truc qui marche plus ou moins bien, parce que c'est un petit peu le comment ça s'appelle, la marotte de notre ami Emmanuel Macron. Lui, c'est un petit peu moi ou le chaos. On voit le résultat, on a donc la crise des gilets jaunes, avec des gens qui se font éborgner, tout ça, etc. Bon, c'est pas glorieux des deux côtés, mais on sent que quand même, moi ou le chaos, c'est très pertinent comme analyse. Merci Manu. Mais ouais, après, c'est vrai que globalement, on va dire qu'aussi le vote de... Enfin, les gens qui avaient voté aussi à l'époque, en 2017, pour la France Insoumise aussi, se sont mis à voter, alors soit pour les écolos, peut-être aussi, parce que on va dire qu'au niveau européen, les questions écologiques, elles portent assez bien, mais aussi ils sont retournés vers le Parti Socialiste aussi, et Génération, je n'en ai pas parlé, donc qu'on s'appelle la liste de Benoît Hamon, qui a fait quand même un score un peu correct, quoi. C'est vrai que quand on voit à quoi correspondait il y a 10 ans le Parti Socialiste, c'est vrai que quand on voit ça, maintenant, c'est chagrinant, pour eux. Hein. Moi, bon, c'est pas forcément... je m'y reconnais plus. À une époque, j'aurais pu m'y reconnaître, mais maintenant, je m'y reconnais plus du tout, dans le Parti Socialiste. Mais voilà, on va dire que la France Insoumise a un petit peu, comment ça s'appelle, perdu de sa superbe, parce que forcément, les gens sont retournés vers ceux qui les intéressaient un peu plus. En sachant qu'en plus, la France Insoumise a un petit peu zigzagué entre les rochers sur le cours d'eau, pour éviter de parler de certaines questions, parce qu'à l'époque, il était admis qu'il y avait donc ce fameux plan A et plan B de l'Union Européenne, à savoir, soit on tape du poing sur la table et on rend l'Europe plus sociale, ce qui me paraît quand même un petit peu compliqué, soit on quitte la table des négociations et on se casse de l'Union Européenne. On va dire que ce plan, il a été jeté avec le bébé, hein, le bébé et l'eau du bain, et maintenant on parle donc de faire juste une Europe plus sociale, ce qui me paraît un petit peu limité en termes d'analyse, parce que forcément si on reste dans le terme des traités européens qui chapeautent tout, c'est un petit peu comme les fondations d'une maison. Si on reste dans le cadre de ces traités pour faire une Europe plus sociale, c'est pas possible. Parce qu'en fait, elle n'a que Dieu pour le libre-échange et donc la concurrence libre et non faussée. Sorti de ça, il n'y a rien. Et forcément, quand on reste dans ce type d'optique-là, si on veut faire de la concurrence libre et non faussée, les États ne peuvent pas intervenir sur des normes sociales. La fiscalité, si à l'arrière, on va dire qu'ils ne peuvent pas intervenir à leur plein potentiel, dirons-nous. Et donc forcément, c'est pas possible. Ou alors, on fait sauter les traités. Mais comme c'est les traités qui tiennent la maison, il n'y a plus de maison. Simplement. Donc ouais, je suis un petit peu sceptique. Alors en plus, on va dire qu'il y avait certains partis aussi qui militaient pour une sortie de l'Union Européenne. La vraie sortie. Hein. Bon, on sort avec les grands moyens. Donc on avait les Patriotes, la liste de Florent Philippot, et l'Union Démocratique, l'UPR, quoi. Voilà. Et c'était les seules deux vraies listes qui avaient une forte thématique en sort de l'Union Européenne. Bah, ils ont fait à peu près 2%, 2,5% à tout péter. Donc on va dire que ce discours, pour l'instant, ne passe pas. Même si, il y a quand même, bizarrement, il y a un fort euroscepticisme. Mais cet euroscepticisme ne veut pas déclencher de rupture franche, tout simplement. Voilà. C'est qu'en fait, parce qu'en fait, tous les partis avaient ça à peu près en tête. C'était à peu près, vous allez voir, l'Union Européenne, on va la changer. Vous allez voir ce qu'on va faire. Déjà, quand tu vois le Parlement, le niveau de responsabilité qu'ils ont et sur quoi ils peuvent agir, c'est quand même déjà une belle. C'est déjà un beau mensonge déjà quand on va voter. Alors, si en plus les mecs te disent, en plus, ça, on va vraiment te le changer, tu vas voir. C'est un très très beau mensonge. Un beau rêve pieux, en fait, tout simplement. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant. Alors c'est vrai que ce qu'on pourra noter, c'est quand même qu'il y a eu une forte fragmentation des partis qu'on connaissait avant, traditionnels, nos partis socialistes, etc. Ça fait quand même déjà des années que ça a enclenché. Et pour les municipales qui arrivent l'année prochaine, c'est vrai que ça porte à réflexion. Donc, du coup, on va se dire, parce qu'en fait, par exemple, chez les Républicains, on sait qu'on a beaucoup de maires républicains, c'est vrai qu'il y a un fort ancrage local sur ces partis-là, Parti Socialiste, tout ça, etc. Et c'est vrai que cette fragmentation, on va se demander, mais qu'est-ce qu'elle va devenir, en fait? Parce que les mecs, comment ils vont faire, tout ça, etc. Parce que... Alors, autant... c'est vrai que, du coup, il va y avoir pas mal d'alliances, tout ça, un petit peu, la carpe et le lapin. Parce que je me dis, mais... finalement, est-ce que ça va rapporter aussi aux élections locales, par exemple, de mettre la tête à Macron à côté du maire. Parce qu'on savait qu'à l'époque, quand Macron avait été élu, c'est un petit peu la stratégie win-win, comme diraient les marketeurs. On mettait son beau député, que pas grand monde connaissait, il mettait la tête à Macron à côté en disant « Ce sera votre député, voilà, Patin Koufem. » Et là, on fait « Oh, bravo, Patin Koufem. » Et on vote pour ça, comme ça on dit, on donne plein de pouvoir à notre ami Emmanuel Macron, etc. Et derrière, et du coup, on s'est retrouvé à l'époque, avec cet effet-là, on s'était retrouvé, du coup, pour élire les parlementaires, avec cet effet que, forcément, comme c'est un scrutin où il y a plusieurs tours, et forcément, c'est ceux qui ont le plus de voix qui passent au tour suivant, on se retrouve avec des effets, forcément, où tu peux faire facilement barrage. Par exemple, tu peux faire barrage au Rassemblement National, etc. Et certains partis, par exemple, Europe Écologie Les Verts, ne peuvent pas passer au stade suivant, où forcément, quand tu te retrouves à choisir entre deux listes, au final, et que tu n'as pas ta liste que tu préférais, je pense que certains vont voter, plutôt que voter blanc, ils remportent une voix sur l'une liste ou l'autre, quoi. Particulièrement quand il y a Rassemblement National, parce que c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'était ce fameux barrage à l'extrême droite. Forcément, ça favorisait plus les anciens partis. Alors que maintenant, comment faire pour faire élire des Verts, sachant qu'il faudrait mettre un maire écologique dans toutes les mairies qui se présentent. Pareil pour La République En Marche, pas sûr qu'ils trouvent dans toutes les mairies de quoi faire. Parce que je ne pense pas que tout le monde se rallie en termes local. Mais bon, voilà, c'est ça. Alors du coup, je ne sais pas ce que ça va faire dans le futur. En sachant que maintenant, en plus, on est passé à l'acte 2 d'Emmanuel Macron. Ça y est, les Européennes sont passées. Il va pouvoir faire tout son schmilblick. Mais comme j'ai dit, la crise des Gilets jaunes aussi n'est pas terminée. Elle dure encore. Et puis, je pense qu'on risque d'avoir des transformations de ce bloc-là dans les années qui vont venir. Parce que je pense que la colère n'a pas été... Personne n'a vraiment répondu à cette colère-là. Hein, que ce soit d'ailleurs le gouvernement, et que ce soit d'ailleurs les autres partis qui se disent proches des Gilets jaunes. Hein, d'ailleurs, c'est que certains pensent que les Gilets jaunes ont tous voté Rassemblement National. Là-dessus, je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr que beaucoup soient allés voter déjà, vu le niveau de ras-le-bol. Et encore moins qu'ils votent pour le parti du président. Ça, mais... Et après, sur les autres partis, on a vu que ouais, y a une certaine fragmentation. Je pense que le vote écolo. Parce qu'au niveau local, je pense que ça, avec les années, je pense qu'il va commencer quand même à prendre de l'ampleur, parce qu'on arrive quand même à un niveau où écologiquement, c'est excessivement compliqué pour notre système Terre. Mais je pense pas que pour l'instant, il puisse avoir beaucoup de manettes. Et après, donc voilà, les partis genre France Insoumise, tout ça, c'est pareil. On commence à sentir qu'il y a quand même pas mal de bisbilles. Parce qu'en fait, au départ, le but aussi, c'était d'avoir une gauche... populiste, dire oh, nous, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un petit peu le but, ouais, d'avoir un mouvement de gauche qui se veut plus proche du peuple, tout simplement. Sauf que ça a glissé à la fin vers une sorte de rassemblement des gauches, pour essayer de devenir une sorte de grand mouvement de gauche. Et je pense que ça a pas plu aux électeurs, parce que tout simplement, je pense qu'aussi, ils voulaient un discours plus ferme, un discours plus... à la rigueur plus tranché, pas un discours qui zigzague entre pour flatter les souverainistes, je vais dire ça, pour flatter les indigénistes, je vais dire ça, pour flatter les libéraux de gauche, je vais dire ça, et pour dire des gentillesses de Thomas Piketty, je vais dire ça, bon, bref. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de savoir comment tout ça va se former. Bon, de toute façon, je pense aussi, et ça va être le but aussi de cette émission, je vais essayer de continuer à réfléchir déjà sur l'Union Européenne en général, pour savoir comment ça se passe, tout ça, etc. Et je vais essayer aussi de mettre un petit peu de sujet, de société, dirons-nous, pour la simple et bonne raison que, en fait, le problème, c'est que, ça je me suis rendu compte, de deux choses, c'est que les résultats des élections, souvent on s'en inquiète le soir des élections, le lendemain des élections, et pour quelques-uns, quelques jours après les élections. Mais généralement, au bout de deux jours, le truc s'est éteint, donc c'est-à-dire que le soir même, on gueule tous là, tout le monde se met la main sur la tête en faisant « Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la France, quel pays de facho, je vais m'en aller ». Bon, tu te rends compte que trois jours après, le mec a oublié et le mec est resté, comme quoi. Et on pourra aussi noter qu'on a cet effet avec certains partis, alors là, je pense à l'UPR et je pense à la France Insoumise, parce que c'est là où j'ai vu le plus de réactions que je qualifierais de... gentillette, à savoir où quand même ces Français, parce que forcément c'est des partis qui n'ont pas eu le nombre de voix qu'ils escomptaient, parce qu'ils auraient rêvé 100%, mais un petit peu, voilà, un petit peu ambitieux. Non, les mecs, en fait, ils sont là. Oui, non, mais en fait, les Français votent pas pour nous. C'est que des veaux, c'est que des cons, ils n'y comprennent rien, tout ça, pas d'un coup. Alors, moi, je pense que... ce qu'il y a du vrai là-dedans, je pense pas. Mais, pour moi, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que il faut avoir des partis qui ont une vraie, maintenant, vision du politique. C'est-à-dire, la vraie vision du politique, j'entends par là, une vraie vision d'un avenir. Que souhaite, certes, mais une vision d'un avenir, pas faire du clientélisme en regardant, alors qu'est-ce que c'est qui marche en ce moment ? L'écologie, ah, l'écologie, ça marche, on va parler d'écologie. Tiens, on referme le livre, on va dehors, on va dire, écoutez, nous, les barrages, on va pas les privatiser, patin couffin, vous allez voir, on va vous donner des voitures électriques, on va augmenter les primes, vous allez voir, on va pas polluer, tout ça, etc. Non, non, ça, tout ça, c'est que des promesses de campagne, c'est oublié. Ce qu'il faut, ouais, maintenant, c'est qu'on ait des vrais partis qui gardent une ligne directrice, tout en sachant aussi aller parler, ce que j'appelle ça, les vrais gens. Ouais, peut-être à la rigueur, mais qui, comment ça s'appelle, qui se rapprochent de ce que peuvent dire les gens, mais quand même qui gardent leur ligne directrice en disant aux gens, écoutez, nous on a un projet à d'hérésie. Alors ça fait un peu, dit comme ça, un petit peu dictateur, mais je pense qu'aux gens, il faut leur indiquer un projet, pas de faire du clientélisme, pas un peu, c'est pas les gens qui vont se bouer, quoi. Pour moi, c'est pas, tu veux quoi dans ton sandwich moi je veux 40 merguez, je veux du chou de Bruxelles dedans. Ouais, voilà, les mecs ils font une espèce de melting pot parce que à la fin il te le fait ton sandwich, il est dégueulasse. Peut-être même que lui le saura que c'est dégueulasse parce qu'il te dira, ouais, ça et ça, ça va pas trop ensemble, mais tu vas pas les goûter à la rigueur parce que vous voulez rien dire. Et du coup, tu vas te retrouver avec un sandwich dégueulasse, tu vas faire, ouh, ce sandwich est dégueulasse. Et du coup, tu vas plus reprendre ce sandwich qui était dégueulasse, voire même tu reviendras plus ici parce que dire, toi, Cadillon, c'est dégueulasse quand même. Sauf que en fait c'est toi qui as choisi un truc dégueulasse. Et c'est vrai que ouais, moi j'aimerais des fois voir des partis politiques avec des, comment ça s'appelle, vraiment des ambitions des ambitions avec quand même des partis pris plus forts qui te font comprendre que quand même voilà ils ont envie d'aller vers là et comment on pourrait en arriver là, pas prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tiens, les gens en ce moment ils sont un peu eurosceptiques, tiens, on va prendre des trucs eurosceptiques. Ah, les gens, ils veulent payer moins d'impôts. Bon, ben, on va sortir les mêmes conneries habituelles. On va leur faire, oui, vous allez voir, on va baisser les impôts, vous allez voir. Mais le service public, il va rester tout pareil. Voilà, vous verrez, ça va être génial. Bon, en fait, les gros mensonges, en fait. Et ouais, j'espère que voir ça émerger d'ici quelques années. Alors, au début, j'aurais cru un petit peu à la France insoumise, mais voilà. Tous les partis, en fait, à peu près, c'est les gros partis, malheureusement. C'est beaucoup de clientélisme et c'est vrai que c'est très dommageable. Et ça s'est vu d'ailleurs sous ces européennes aussi parce que avait senti le momentum. Finalement, c'est le Rassemblement National en fait. Eux, ils en avaient parlé assez tôt des européennes. Les autres partis ont pris le train un petit peu plus tard. Je citais l'UPR un peu plus tôt. Mais eux, finalement, ils se sont mis assez tôt parce qu'ils ont pareil, ils ont beaucoup d'adhérents. Ce qui est assez étonnant vu les scores qu'ils réalisent, mais je crois que c'est le troisième parti qui a le plus de membres. C'est assez étonnant. Mais ouais, on va se dire que quand même chez les autres partis, alors la France Insoumise, ça a bivoté. À droite, chez les Républicains, on va dire que je sais pas pourquoi, d'un coup la campagne a décollé. Donc en fait, ce François-Xavier Bellamy, que personne n'aimait à droite, d'un coup, tout le monde l'a trouvé adorable. Et j'ai trouvé ça ridicule, et je ne parlerai même pas de La République En Marche, qui a décidé de prendre le train en marche 3 semaines avant, et en mettant une candidate proche du ridicule. C'est-à-dire qu'elle disait plus de conneries que de trucs, voilà, un truc sensé. Et quand même, ils sont arrivés à faire 24% quasiment avec ça, j'ai quand même chapeau, c'est très très bien. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter mes digressions, je pense que j'aurais dit beaucoup de conneries, mais voilà, comme dirait Tocheux, si je le dis, c'est que je le pense. Donc, si je le dis, c'est que je le publie. Sinon, je me trahirai aussi un petit peu à moi-même. Donc, c'était toujours Gandalf81. On se retrouvera pas dans 5 ans pour les prochaines élections européennes. Enfin, si, peut-être, je sais pas. Mais on se retrouvera avant. Hein, parce que, comme je l'ai dit, dans cette longue conclusion, la vie politique ne s'arrête pas aussi. Un citoyen, ce n'est pas quelqu'un qui va qu'aux urnes aussi. Hein, parce que l'abstention aussi, il y en a qui disent, ah oui, voilà. Peut-être m'en arrêter là-dessus, on disait aussi Front National c'est horrible, mais alors c'est des gens qui s'abstiennent quand même, qu'est-ce qu'ils sont cons et tout. Quand tu ne te reconnais pas dans une offre politique, tu ne te reconnais pas non plus dans une offre politique. Tout en sachant qu'en plus, avec les années, on va dire qu'une certaine lassitude aussi s'est installée. Je pense que on utilise aussi souvent ce truc en disant oui, mais les gens se sont battus pour qu'on vote à une époque. Oui, mais les gens ils se sont battus aussi pour qu'on ait un vote qui soit utile, qui ait des conséquences. Quand tu votes pour François Hollande et que derrière tu te retrouves avec la loi travail, par exemple, je pense que si les gens on leur avait dit ça, à l'époque où ils se sont battus pour le vote, on leur avait dit vous verrez dans 100 ans, je dis pas, un truc comme ça par exemple, et bien vous voterez pour des hommes politiques qui feront tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Ben, les mecs, ça leur aurait paru débile. Ils auraient dit non, mais faut-il vraiment qu'on se batte pour ça? Bon, c'est vrai que là je fais parler les morts, donc c'est un peu dommageable. Mais ouais, c'est un petit peu le truc, quoi. Et donc, alors du coup, les gens qui font de l'abstention, attention, ils profitent au Rassemblement National, ce sont des gens aussi d'extrême droite, parce qu'ils ne vont pas voter, ce ne sont que des connards. Ouais, c'est pareil, moi, je trouve ça pareil, c'est des analyses très limitées, faites par des gens limités, je pense. Mais voilà. Bon, écoutez, bon, c'était Gandalf81 sur Twitter. On se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode de Flux URSS. Alors, on va peut-être faire un petit peu une pause sur l'Union Européenne, je vais vous parler d'autres trucs qui ont un petit peu de l'incidence avec l'Union Européenne, mais peut-être des trucs un peu plus concrets que, attention, la dette de la Grèce, tout ça, attention, c'est dangereux. Donc on va passer sur des trucs un peu plus concrets, ça me changera un petit peu de littérature, et le sujet sur l'écologie finira bien par débarquer aussi. Peut-être j'aurai des auditeurs, parce que visiblement, l'écologie, ça marche. On va savoir, peut-être j'aurai de l'argent, en mettant de la pub dedans, pour des trucs, des placements verts, voilà. Dis que de la merde. Bon, écoutez, à très bientôt dans Flux RSS. Au revoir. Je n'aime pas le Rassemblement National. Je n'aime pas Salvini. J'ai une grande sympathie pour les Anglais qui ont voté le Brexit. Ce qui dit d'ailleurs la diversité des choses et voir classer les gens du Brexit par le monde comme d'extrême droite quand on connaît l'Angleterre. Je me suis dit, mais dans quel pays je vis? Mais je dois dire que je suis de plus en plus choqué d'entendre décrire comme des gens d'extrême droite, comme des nationalistes, mot qui suppose une certaine agressivité avec connotation militaire, des gens ordinaires, paisibles, qui réclament simplement le droit d'être ce qu'ils sont, français en France, italien en Italie ou britannique en Grande-Bretagne. Je trouve qu'il y a une hystérisation du vocabulaire qui est choquante et qui traduit un mépris. J'ajouterai une dernière chose. On nous menace sans arrêt d'une guerre entre les nations européennes, de conflits. Il n'en a jamais été question. C'est fini depuis bien longtemps. 70 ans. La négociation... C'est fini. La négociation... En quoi c'est fini? De toute façon, les populations sont trop vieilles. La négociation dont on a besoin, ça n'est pas d'une négociation qui n'en finit pas entre des pays européens qui ne sont plus ennemis. C'est dans chaque pays de négociation entre les gens d'en haut et les gens d'en bas et d'une réconciliation interne à chaque USSR.